À quel bord ton corps de désir, puis elle dit, elle te fait vibrer à ta femme, ou elle te fait vivre avec ta femme, elle te fait sentir ta femme, chaîne ta femme. Parce que c'est au niveau de l'âme, là. C'est plus au niveau du corps matériel, tous les autres principes de l'âme, c'est au niveau de l'âme. Ma femme m'a montré hier, là, dans un journal, il y a un gars aux États-Unis, je pense qu'il mesure 6 pieds 4, puis sa femme, elle mesure 5 pieds 2. C'est une nain, tout déformé, là. Lui est tout croche aussi, mais il est grand. Un grand croche, une petite croche. Ils sont ensemble, ils sont mariés. C'est rare l'espace entre les deux. Mais c'est au niveau de l'âme. Les gens disent, comment ça se fait? Ça se fait, c'est mal. Puis des fois, tu vois des beaux acteurs, des belles blondes, ça a l'air des vrais dieux, ça se sépare. Puis comment tu fais que ça se sépare des belles blondes et des beaux gars? C'est parce que c'est pas au niveau de l'âme. C'est au niveau des bidounes. Pas pareil. Il y en a bien des femmes qui ont des bidounes. Pas une James Bond ou que. Il n'y a pas de bidounes. Comment tu veux dire? C'est au niveau de l'âme. Il faut sentir la vibration de l'âme. Alors, l'initiation solaire, c'est ça. C'est pour amener l'âme ici, pour que l'âme dirige l'activité du mental, dirige l'activité astrale, dirige l'activité vitale, dirige l'activité physique éventuellement si vous allez plus loin, plus loin, plus loin. Donc à ce moment-là, qui c'est que ça reste à faire avec l'ego envy? Jamais s'occuper de ça. C'est ça. Donc, le corps de business, c'est le même, il faut que ça marche. Avec le temps, quand je te disais, pas trop de business, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Sans ça, tu t'en bats, tu t'en bats, tu t'en bats. Quand tu as une situation économique, mais éventuellement, tu te bats. Mais l'autre, ça leur prend un certain temps pour pénétrer et changer un corps. Vous savez comment c'est les souffrances intérieures. Ça ne peut pas nous en mettre par-dessus justice. On nous en donne ce qu'on est capable. Les gens disent, comment tu fais, ça ne va pas plus dire que ça. Parce que tes corps vont apprendre plus que ça. Prends ton temps. Pas souffrir pour rien. Ah! Allô? Est-ce que tu parlais des animaux? Non, on parlait des âmes. Ok. Des âmes. Concentrez. Quand vous me demandez des questions, ramenez toujours des questions à votre ego, à vous-même, à vous-même, à vous-même. Tu vois les animaux, les planètes, les astres. Vous autres. Quand vous aurez. Quand vous serez en contrôle sur vous autres, le reste, vous comprendrez tout ça, mais oui. Toujours ramener la psychologie, c'est la psychologie du supramental que vous avez besoin de savoir. Quand vous êtes chez vous durant la semaine, il n'est pas scindé, il est un papier, puis il n'y a pas de la mémoire objective. La mémoire objective, la mémoire objective? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, la mémoire objective? C'est quoi ça, cette affaire-là? Mais disons, c'est l'ego qui objective. Se souvenir, par exemple, d'une chose, d'un mauvais moment. Alors à ce moment-là, c'est l'ego qui veut souffrir. Ça fait partie de la mémoire objective. C'est l'ego qui veut se souvenir de choses négatives ou qui atteint un peu. Parle-moi une question, explique-moi pas rien. En une question. Reformule-la en question. C'est ça, je comprends rien. Ok, quand ça reviendra. Mais c'est la question. C'est une question de conscience, pour moi. C'est une question de conscience. Aux émotions positives. C'est une question de conscience. C'est une question de vibration. C'est une question de changement de l'énergie astrale en énergie mentale. Votre corps mental supérieur, il est formé avec votre énergie astrale. Plus vous détruisez vos émotions, pas vous là, mais plus vos émotions sont transmutées, plus votre corps mental supérieur est formé parce que vos émotions contiennent le germe

Parce que tout mouvement de pensée dans votre mental intérieur est toujours un mouvement qui provient d'en haut, soit pour vous instruire, soit pour vous éduquer, ou soit pour vous casser les pieds. Ou vous faire des mouvements. Y en a-tu un qui a une pensée là, qui passe de qui fait là? Je pensais, si mes émotions étaient dedans. Donne-moi ce qui se passait. Je pensais que si mes émotions viennent dedans. Ouais. Si tes émotions viennent dedans, ça, c'est la pensée qui se passait dans la tête. OK. Mais dis donc dans ta tête, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, dans ta tête. Tu sais, quand je dis menti dans ta tête, puis tu me dis tout de suite, ça passe par ton ego si tu me dis tout de suite. Quand je dis menti dans ta tête, il faut que tu attendes que tu aies une réponse dans ta tête, soit que tu l'as une ou tu n'as pas. Il n'y a rien dans ta tête. Il faut un travail. Ça répond. Ça répond. Il n'y a pas d'autre que ça, il faut un travail. M'en dis combien de temps ça va durer. Tant que ça voudra. Fait que qu'est-ce qui arrive avec le temps? Quand tu t'habitues, maudit. Quand, avec le temps, ce qui va arriver, c'est que tu vas t'habituer au niveau de ton ego de les écouter. Tu vas t'habituer au niveau de ton ego de regarder tes pensées. C'est parce que vous ne vous habituez pas à regarder vos pensées. Vos pensées passent. Vous ne les accrochez pas. Moi, il n'y a pas de maudite pensée qui me passe dans la tête que je laisse passer. Pas une. Pas une. Soit j'ai la tête complètement vide ou s'il y a quelque chose qui passe, je le dis. Je te regarde et je dis, qu'est-ce que tu veux dire là? Là, il m'a excité. Ta femme m'a dit, hey, tu m'écoutes pas. Ma femme, ma femme a le même phénomène. Il n'y en a pas une, ça, vous êtes rendu à ce stade-là. Il n'y a pas une pensée dans votre tête qui doit passer sans que vous puissiez la. Il dit que c'est comme un oiseau. Ça passe. Quand tu passes l'oiseau accroché, non, vous autres, l'oiseau passe, puis le cinquième, vous l'accrochez de temps en temps, parce qu'il y a une certaine couleur. Vous devriez toutes les accrocher, les oiseaux qui passent dans votre tête. Puis c'est comme ça que vous apprendriez beaucoup sur vous-même. Ben, c'est évidemment, dans l'instantané, t'as l'écoute, faut que vous soyez à l'écoute dans l'instantané. Parce qu'il vous donne constamment de l'information, constamment de l'information. Hein? Sauf qu'il y a un an avant. Quand vous faites casser les pieds en relation avec le savoir que vous avez de tout ce qui se passe, mais vous avancez, parce qu'il vous casse toujours les pieds suivant ce que vous êtes. Si vous avez, si c'est émotivement que vous êtes fait, ils vont vous accrocher sur le plein motif. Si c'est dans la finance que vous avez des tensions, mais c'est dans la finance qu'ils vont vous accrocher. C'est dans le zizi qu'ils vont vous accrocher. Ils vont toujours vous accrocher où vous êtes fait. Bon, à ce moment-là, vous avez quelque chose là où vous pensez, l'oiseau qui passe, là, vous ne l'accrochez pas. Fait que là, vous vous accrochez dans vos pensées, puis vous supprimez vos pensées. Vous ne devriez pas supprimer vos pensées. Les accrocher vos pensées, puis dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis ils vont vous répondre.